Asante Bwana Yesu. Merci Seigneur Jésus. Asante kwa sababu umetuleta kwa mlima wako. Merci parce que tu nous amènes à ta montagne. Mlima ya présence ya Mungu. La montagne de la présence de Dieu. Asante kwa sababu tumekuja kwa mlima ya uwepo wako. Merci parce que tu es devenu déverser ta présence. Asante kwa présence yako jioni ya leo. Merci pour ta présence ce soir. Ninaomba Mungu tufundishe. Je prie que tu nous enseignes. Tufungue masikio tusikie Jehovah. Ouvre nos oreilles que nous écoutions. Asante Mwokozi. Merci ô Sauveur. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Tuchapie Yesu makofi. Acclamons le Seigneur. Jehovah Jireh. Habari ya jioni. Comment se passe la soirée? Mumeka smart. Vous êtes très chic. Kila siku naona mnaendelea kuwa smart kuliko jana. Chaque jour vous devenez de plus en plus brillant. Mimi naona mko smart sana. Je vous trouve très brillant. Na mnapendeza. Vous êtes chic. Amen. Amen. Ninaitwa Noah. Je suis pasteur Noah. Na ni privilège kubwa kuwa hapa. C'est un grand privilège pour moi d'être ici. Si haki. C'est pas un droit. Lakini ni privilège. Mais c'est un privilège. Ni privilège kuabudu Mungu. C'est un privilège d'adorer Dieu. Na ni privilège kusema maneno ya Mungu. C'est également un privilège de parler de la part de Dieu. Kwa hivyo nawasikia na wapenda sana. Je vous aime beaucoup. Na wapenda sana. Je vous aime tant. Na wapenda sana. Je vous aime tant. Tena sana. Encore beaucoup. Na nataka tuendelee. Je veux que nous continuions. Penye tuliachia jana. Là où on s'est arrêté hier. Tuliongea habari ya rehema za Mungu. Nous avions parlé de la bonté de Dieu. Na tukasema wingi wa uzuri wa Mungu. Nous avons dit l'abondance de la bonté de Dieu. Inafanya tunawacha maovu. Nous amène à abandonner le péché. Na tukasema tunasimama kwa msingi wa damu ya Kristo. Nous sommes dit que nous sommes basés sur le sang de Jésus. Sasa tukiwa tumesimama kwa msingi wa damu. Si nous sommes basés sur le sang de Jésus. Tunapokea rehema za Mungu. Nous recevons la miséricorde ou la bonté de Alafu, Dieu. Alafu rehema za Mungu. Et cette bonté de Dieu. Zinatupatia accès kwa vile kila kitu Mungu angetaka kutupatia. Nous donne accès à tout ce que Dieu aimerait nous donner. Si kwa sababu sisi ni wazuri. C'est pas parce que nous méritons. Hapana. Non. Si sababu tumefanya vizuri. C'est pas parce que nous avons bien fait. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Mais c'est parce que notre Dieu est bon. Niposa si wimba Mungu ni mwema. Nous avions chanté Dieu est bon. Na ni vizuri. C'est merveilleux. Sasa tukikuja tukasimama kwa msingi wa damu ya Yesu. Lorsque nous basons sur le sang de Jésus. Nini Mungu anatupatia? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Anatupatia opportunité. Il nous donne une opportunité. Ya kufanya réconciliation. De faire une réconciliation ya kufanya mapatanisho. De nous réconcilier à lui. Sehemu zetu za maisha. Notre partie, une partie de notre vie. Zenye hazifanani na yeye. Qui ne ressemble pas à lui. Kwa sababu tumekuja kwa damu ya Yesu. Parce que nous sommes venus par le sang de Jésus. Anatupatia opportunité ya kufanya mapatanisho. Il nous donne une opportunité de nous relier à lui. Kwa hivyo tunafanya fanya mapatanisho ya maisha yetu. Nous allions à lui. Na neno la Mungu. Mais aussi à la parole de Dieu. Alafu tunasimama kwa damu ya Yesu. Nous nous tenons sur le sang de Jésus. Tukisha fanya mapatanisho. Après que nous nous ayons alliés à lui. Tunaondoa droits zote zenye shetani alikuwa nazo kututesa. Là nous enlevons tous les droits que le diable avait sur nous pour nous faire souffrir. Sababu nani ufunga mbingu zetu? Qui est-ce qui bloque notre ciel? Ni shetani ufunga mbingu zetu. C'est le diable qui bloque notre ciel. Kwa nini anafunga mbingu zetu? Pourquoi il bloque notre ciel? Kwa sababu ako na droit ya kufunga. Parce qu'il a le droit de le bloquer. Sasa tukisimama kwa damu ya Kristo. Mais lorsque nous sommes dans le sang de Jésus. Tunapatanisha maisha yetu na Kristo. Notre vie est connectée à Jésus. Tunaondoa droit zote za shetani za kufunga mbingu zetu. Là nous démantelons tous les droits que le diable avait sur notre ciel. Na leo nataka tuone. Et je veux que nous voyons droit gani shetani ukua nazo. Quels sont les droits que le diable a? Zenye ye ufanya afunge mbingu zetu. Qui l'amène à bloquer notre ciel? Sababu tukiwa chini ya mbingu zilizo wazi. Si nous sommes sous un ciel ouvert. Mambo mingi utendeka kwetu. Beaucoup de choses se passent sur nous. Juzi nilisema tunapata kibali. Avant hier je dis que là nous recevons la faveur. Alafu ya pili tunapata direction. Deuxièmement nous recevons la direction. Tunajua tunaenda wapi na tunatoka wapi. Là nous saurons où est-ce que nous allons et d'où est-ce que nous provenons. Alafu ya tatu tunakuwa na assurance ya nini ya Yeah, niseme namna gani? Yeah, sisi ni kina nani? Identity yetu. Là, nous recevons l'assurance de notre identité. Tunajijua vizuri. Nous nous reconnaissons. Tunajijua sisi ni kina nani? Nous reconnaissons ce que nous sommes. Ile ni benefisi ya kutembea chini ya mbingu zilizo wazi. Ça, ce sont les bénéfices de marcher sous le ciel ouvert. Na ndio tupate kibali. Et lorsque nous recevons la faveur, inasema lazima tuwe préparé. La Bible dit nous devons être préparés. C'est ukiwa préparé. Lorsque tu es préparé, alafu upate opportunité. Tu reçois l'opportunité. Lazima utapata kibali. Tu vas obtenir la faveur. Lakini kama hauko préparé, si tu n'as pas été préparé, na unapata opportunité, et que l'opportunité se présente, hata hautajua ni opportunité. Tu ne sauras pas savoir que ça c'est une opportunité. Sababu hauko prêt. Parce que tu n'es pas encore prêt. So tunasimama kwa damu ya Yesu. Nous allons sur le sang de Jésus ili tupatanishe maisha yetu na Kristo, pour que notre vie soit en accord avec Christ. Ndio wakati opportunité zinakuja, et là, lorsque l'opportunité se présente, tuko tayari, nous sommes prêts kupata kibali, de recevoir la faveur, kibali ya Mungu, la faveur de Dieu. Niwapatie exemple moja. Je vous donne un exemple. Kolegi yangu alikuwa anaita mtu amfanyishe interview. Un collègue était allé pour l'interview. Na wandugu wengine, d'autres personnes, wakaleta kijana mmoja, ont amené un jeune homme. Wakamwambia huyu rafiki yangu, ils ont dit à mon ami, huyu kijana ni mzuri sana. Ce jeune, c'est une bonne personne. Amesoma, anajua kazi. Il maîtrise le travail. Anaweza kabisa. Il peut. Mupatie opportunité jameni. Ils lui ont dit, donne-lui l'opportunité. Apate kibali mbele ya macho yako. Qu'il trouve grâce à tes yeux. Aweze kutumika. Afin qu'il travaille. Kolege yangu akasema ni sawa, mwambie akuje nimuone. Mon collègue a dit, c'est bon, appelez-le que je le voie. Ule kijana akakuja kuona kolege yangu. Ce jeune homme est venu voir mon collègue. Na ameva utu vitu twa masikio. Il portait des bijoux. Si bijoux. Hii ya kusikiza muziki. Il portait des écouteurs. Ameva tena ameva ile nyeupe. Des écouteurs blancs. Na yeye ameva chemise nyeusi. Et lui portait une chemise noire. Ni kusema zinaonekana vizuri. Cela veut dire que c'était très visible. Kolegi yangu akamwangalia akamsalimia. Mon collègue l'a regardé, l'a salué. Ndugu akatoa kamoja ndio amsikie. Ce monsieur a enlevé une partie de l'écouteur. Ndio amsikize. Pour l'écouter. Kolegi yangu akamsikiza. Mon collègue l'a écouté. Akamwambia ni sawa enda. Il lui a dit c'est bon, tu peux partir. Hakumpatia kazi. Il ne lui a pas donné le travail. Hakupata kazi. Il a raté le travail. Kwa sababu hakukuwa préparé. Parce qu'il n'était pas préparé. Tunasimama kwa plafond ya damu ya Yesu. Nous nous basons sur le sang de Jésus. Ili tupatanishe maisha yetu. Pour que notre vie soit connectée. Ndio tuondoe droit za shetani. Afin d'enlever les droits du diable. Ndio tukue tayari kwa faveur ya Mungu. Et pour que nous devenions prêts à la faveur. Sababu tukiwa prêts. Lorsque nous sommes prêts. Kibali iko. La faveur y est. Kibali ya Mungu iko juu yetu. La faveur de Dieu sera sur nous. Ni hatu wakati mwingine hatuko tayari. Quelquefois nous ne sommes pas prêts. Hatuko préparé. Nous ne sommes pas préparés. Sasa tunasimama ku plafond ya damu ya Yesu. Et nous nous focalisons sur le sang de Jésus. Alafu tunakuwa préparé. Et là ça nous prépare. Na kuna mambo mingi inatusaidia kuwa préparé. Il y a beaucoup de choses qui nous aident à être préparés. Lakini nataka niongee kidogo. Mais je vais parler. Vitu gani tunafaa tukirekonsilie maisha yetu na Mungu? Des choses qui doivent nous amener à nous réconcilier avec Dieu. Sababu kuna kitu moja ikiwa ndani yetu. Il y a une chose lorsque elle est en nous. Hata tukiwa tumesimama kwa damu ya Yesu. Même lorsque nous sommes dans le sang de Jésus. Shetani atatupinga. Le diable va s'opposer à nous. Na shetani atakataa. Et il va s'opposer. Na itakuwa vile alisema. Et les choses seront comme lui l'a dit. Sema Mungu unipendi. Tu vas dire Seigneur, tu ne m'aimes pas. Bwana sulisema. N'est-ce pas tu as dit au Dieu? Lakini hakuna kitu inatendeka. Mais il n'y a rien qui s'est fait. Unakumbuka Zekaria. Rappelle-toi de Zacharie. Zekaria katika not Zekaria anaitwa nani? Joshua katika kitabu cha Zekaria. Josué. Kitabu cha Zekaria chapitre yake ya 3. Dans le livre de Zacharie chapitre 3. Maandiko inasema. La Bible dit Joshua amesimama. Josué s'est tenu debout. Mbele ya Mungu. devant Dieu. Lakini shetani amesimama kumpinga. Mais le diable s'est levé pour s'opposer à lui. Nini lipatia shetani opportunité ya kumpinga? Qu'est-ce qui a donné au diable l'opportunité de s'opposer à lui? Na ile hali ni mtu wa Mungu na amesimama mbele ya Mungu. Alors que l'homme de Dieu était debout devant Dieu. Lakini shetani anampinga. Mais le diable s'oppose à lui. Ukisoma hiyo maandiko, lorsque tu lis ces écrits, unaona Joshua alikuwa na nguo chafu. Tu trouveras que Josué avait des habits sales. Sasa ilibidi Mungu atumie autorité yake. Il a fallu que Dieu utilise son autorité. Ya kusema tu shetani Mungu anakukemea. De dire Satan Dieu te réprimande. Hata si Joshua anakukemea kwa jina la Yesu hapana. Non pas Josué, moi Josué, je te réprimande au nom de Jésus. Mungu anakuwa souverain. Dieu est souverain. Anakemea shetani tu. Dieu réprimande toujours le diable. Alafu anaambia Joshua. Il dit à Josué. Malaika anamwambia Joshua. L'ange dit à Josué. Na anamsaidia. Et il l'aide. Anatoa ile nguo chafu. Enlever cet habit sale. Akisha toa nguo chafu. Lorsqu'il a enlevé l'habit sale. Anampatia nguo mzuri. Il lui a donné un habit propre. Alafu anaanza kumuzungumzia maneno ya destinée yake. Et il a commencé à lui parler de sa destinée. Maneno ya hatima yake. Les affaires de sa destinée. Sasa nataka uelewe. J'aimerais que tu comprennes. Tunasimama kwa damu ya Yesu. Nous sommes basés sur le sang de Ili Jésus. Ili tupatanishe maisha yetu. Pour que notre vie soit connectée. Na kitu gani inazuia watoto wa Mungu kuwa na mbingu zilizo wazi sana? Qu'est-ce qui bloque aux enfants de Dieu de vivre le ciel ouvert? Leo nataka tuione. J'aimerais que nous puissions le voir. Sababu kuwa na mbingu yenye iliyo wazi. Quand tu as un ciel qui est ouvert. Ni kusema unaishi ndani ya presence ya Mungu. Cela veut dire que tu marches dans la présence de Ni Dieu. Ni kusema mnasimulia kama wandugu. Cela veut dire que tu parles avec Dieu comme frère. Ukienda mumashe, quand tu vas au marché, ukienda kushika nguo yenye ni mbaya, et que tu prends un mauvais habit, unasikia Roho Mtakatifu ndani yako amekuwa na huzuni. Tu sens le Saint-Esprit attristé en toi. Unawaacha. Tu laisses. Unajaribu ingine. Tu essayes un autre. Sababu uko na yeye. Parce que tu es avec lui. Sasa nini inazuia ile? Qu'est-ce qui empêche cela? Sababu mbingu zikiwa wazi, lorsque le ciel est ouvert, unakuwa na presence ya Mungu wakati wote. La présence de Dieu est permanente en toi. Lakini nini inazuia ile? Mais qu'est-ce qui bloque cela? Ni kitu moja. C'est une chose. Tunakumbuka katika maandiko katika kitabu cha Ezekiel. Dans Ezekiel? Hata katika kitabu cha Isaïe. Même dans Isaïe. Maandiko inaonyesha. La Bible montre. Nini litosha shetani mbinguni? Qu'est-ce qui a fait que le diable quitte le ciel? Nini ilifanya shetani akatoa sosho mbinguni? Qu'est-ce qui a fait que le diable soit précipité? Ne rebelio. C'est la rébellion. Yani uasi. La rébellion. Wakati tunakuwa na roho ya uasi. Lorsque nous avons un cœur rebelle. Hatuwezi tukatembea chini ya présence ya Mungu. Nous ne pouvons pas marcher sous la présence de Dieu. Hatuwezi tukatembea chini ya mbingu zilizo wazi. Nous ne pouvons pas marcher sous le ciel ouvert. Sababu. Parce que. Ndani mwetu. En nous. Tutakuwa tumebeba mbegu ya shetani. Nous portons la semence du diable. Sasa shetani atatembea na sisi kama rafiki. Le diable marchera avec nous comme ami. Na katika kitabu cha Et lorsque nous lisons Psaume, Psaume 68, Psaume chapitre 68, Psaume 68, eh? Wakati mwingine inakuwa tofauti kwa français. Oh. Yangu ni verse 6, wacha tuone yako ni verse gani. Le père des orphelins. Tio. Chanter à Dieu. Yako ni verse 7. 5. Nous lisons le verset 7, version Louis II. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Le rebelle seul habite des lieux arides. Amen. Amen. Quoi, Biblia française, ni verset 7. C'est au verset 7 dans la Bible française. Lakini kwa yangu ni verset 6. Kwa yangile ni 6, eh? Dans la version anglaise, c'est au verset 6. Sasa maandiki inasema. La Bible dit. Mungu weka walio wachwa. Dieu donne une famille à ceux qui ont été abandonnés. Anaweka ndani ya famille. Il leur donne une famille. Alakini wenye wako na rebelio. Mais le rebelle. Wataishi ndani ya inchi iliyokauka. Ils vivront dans une terre aride. Ukisoma Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Maandiko inatupatia baraka. La Bible nous donne des bénédictions. Lakini ukianzia verset 14 kuendelea chini. Mais du verset 14 en continuant. Inasema na wale wenye hawatanisikia. Et ceux qui ne vont pas obéir. Hii mambo itawafuata. Ces choses vont s'accomplir. Mbingu zao zitakuwa chuma. Leur ciel de viendra faire. Sababu gani? Pourquoi? Sababu wamekuwa na rébellion. Parce qu'ils ont un cœur de rébellion. Na tunaona rébellion mingi siku hizi. Et nous vivons beaucoup de rébellions aujourd'hui. Sababu gani? Pourquoi? Watu wa Mungu hawataki kusikia Mungu. Les enfants de Dieu ne veulent pas écouter Dieu. Sasa unajiuliza tutasikiaje Mungu? Et tu te demandes comment on va écouter Dieu. Mwingine atakwambia mimi nilisoma maandiko. Quelqu'un va te dire je lis les écritures. Mimi niko na Saint-Esprit. Je le Saint-Esprit avec mimi moi. Mimi naenda na Mungu. Je marche avec Dieu. Sisikii maneno yenye unafanya. Je n'écoute pas les choses que tu dis. Ndio ushinde rébellion. Pour que tu puisses vaincre la rébellion. Inafaa tuelewe manifestation ya rébellion. Tu dois savoir comment la rébellion se manifeste. Dhambi zote duniani. Tous les péchés dans le monde. Ziko na msingi ya rébellion. Ont comme fondement la rébellion. Rébellion ndio mwamba inabeba dhambi zote. La rébellion c'est le rocher qui porte tous les péchés. Ukisikia mtu ameenda kufanya usherati. Lorsque quelqu'un part faire l'impudicité. Nini ameacha? Qu'est-ce qu'il a laissé? Amekataa neno la Mungu. Il a refusé la parole de ambalo Dieu. Ninamwambia wewe usifanye vile. Qui lui dit ne fais pas cela. Sasa ingawa ni usherati. Malgré que c'est l'impudicité. Lakini fondation yake ni rébellion. Sa fondation, son fondement c'est la rébellion. Kama tunaweza shinda rébellion. Si nous voulons vaincre la rébellion. Ni kusema tumeshinda dhambi. Cela veut dire que nous avons vaincu les péchés. Mainchi mingi leo. Beaucoup de pays aujourd'hui. Ziko na msingi ya rébellion. Ont le fondement de la rébellion. Makanisa mingi zingine. Beaucoup d'églises. Wamekuwa ndani ya msingi ya rébellion. Sont dans le fondement de rébellion. Mutu hakutoka kwa njia mzuri. Quelqu'un n'est pas venu par bon cœur. Alisikia yako na upako, anxio. Il a senti qu'il a l'onction. Alafu akaenda akafungua kanisa yake. Et il est allé ouvrir son église. Lazima shetani atawatembelea kila siku. Là le diable vous visitera chaque jour. Itakuwa ni vita kila siku. Vous vivrez des combats au quotidien. Maombi ya kufunga na kuomba kila siku. Le jeûne et prière chaque jour. Sababu msingi parce que le fondement est dans la rébellion. Mambo mengi iko ndani ya rébellion. Beaucoup de choses sont dans la rébellion. Na rébellion na kiburi ni wandugu. La rébellion et l'orgueil vont de soi. Sababu mtu anakuwa na kiburi. C'est lui qui a l'orgueil. Ndiye afanye rébellion. C'est lui qui fait la rébellion. Na kiburi inatokana na nini? Et l'orgueil vient de quoi? Sababu mtu anataka kujitosheleza yeye mwenyewe. L'orgueil provient du fait que quelqu'un veut se satisfaire seul. Nikaona mimi ninaomba sana. Quand tu pries beaucoup, ninakuwa independent. Tu deviens indépendant. Sasa hiyo kiburi inapanda. Cet orgueil monte. Ninaanza kujisikia, ah, mimi sitakuja hiyo yenyu. Tu commences à te dire, moi je ne ferai pas avec vous. Nitaenda kuomba peke yangu. J'irai prier seul. Mungu atanisikia mimi. Dieu va m'écouter. Ilianzia wapi? Où est-ce que ça a commencé? Ilianzia ndani ya orgueil. Ça a commencé dans l'orgueil. Alafu imeishia ndani ya kiburi. Et ça finit par kiburi. La rébellion. Sasa watu wengi, beaucoup de gens wamebeba kiburi. Portent l'orgueil. Vazi lao ni kiburi. Leur habit c'est l'orgueil. Kiburi inafanya tunajiona. L'orgueil nous amène à avoir une surestimation exagérée. Kuna kiburi ya masomo. Il y a l'orgueil des études. Sababu nimesoma. Parce que j'ai beaucoup étudié. Ninaenda kwa Mungu nasema baba Mungu hata unajua nilisoma. Je vais devant Dieu et dire Seigneur tu connais que j'ai beaucoup de diplômes. Sasa atakupatia kazi kweli? Il va te donner un travail? Kwani Mungu ameona wangapi wenye wamesoma? Dieu connaît beaucoup de gens qui ont étudié. Hatuendi kwa Mungu sababu tumesoma. Nous n'allons pas devant Dieu parce que nous avons beaucoup étudié. Tunaenda kwa sababu damu ya Yesu imetupatia njia. Nous y allons parce que le sang de Jésus nous a frayé le chemin. Mungina anajiona najua mimi najua kuongea sana. Quelqu'un d'autre s'est dit moi je sais parler. Aanza kuomba hapo pole pole baba Mungu. Commence à prier ô éternel Dieu. Il faut qu'on me donne la chair. Vile mimi ile masomo niko nayo. Les études que j'ai. Waone. Qu'on me donne que je les bombarde. Haki hautapata. Tu ne recevras pas la chair. Ndugu mwingine alikuwa anaomba Mungu. Un autre frère priait. Anasema Mungu. Dieu. wetu, notre pasteur là, nipatie madhabahu, il faut qu'il me donne la chair, aone upako, qu'il voie l'onction, aone vile tumetengenezwa, qu'il sente combien nous sommes façonnés. Siku ingine, pasteur alimpatia. Un jour, le pasteur lui a donné la chair. Akamwambia uko na lisaa limoja ulete neno. Il lui a dit, tu as une semaine, tu vas donner la parole. Tu as une heure de temps pour donner la parole. Ndugu akachukua mikro. Le frère a pris le micro. Akianza kufanya introduction. Il a commencé l'introduction. Akagundua ujumbe imekwisha. Il a trouvé que dans l'introduction, il n'y avait rien à dire par la suite. Na dakika tisa. Dans 9 minutes, sasa nafikiria nifanye nini? Menel s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Hii 50 imebakia. Le 50 minutes qui reste. Nini nitasema? Qu'est-ce que je vais dire? Halitamani udongo ipasuke imeze. Il a voulu que la terre se déchire. Sababu alikuja na msimamo ya ogei. Parce qu'il est venu avec l'orgueil. Sasa hataki kusikia. Il ne veut pas écouter. Mungina ameenda conference fulani. Une autre personne est allée dans une conférence. Na unajua ukikuja conference. Et lorsque tu pars dans une conférence. Napokeanga moto sana. Tu reçois beaucoup de faits. Alafu unasikia umeitwa. Et tu sens que tu es appelé. Ah, ni moto ya conference. Ça c'est le fait de la conférence. Kuja pole pole. Viens calmement. Bado utengenezwe. Jita lala. Okay. Tulia. Ogei inakuja sababu gani? L'orgueil vient pourquoi? Sababu ya ile vitu tunaona tuko nazo. À cause des potentiels que nous découvrons en nous. Mungina anaona ako na pesa. Tu trouves que tu as l'argent. Kwa hivyo atatuambia vile tufanye. Et il pense qu'il peut nous dire ce qu'il faut faire. Kwani hiyo pesa ni yako? Cet argent t'appartient? Hapana, ni ya baba. Non, ça appartient au père. Amekupatia accès. Il t'a donné juste l'accès. Anaweza patiana mungine accès. Il peut le donner à une autre personne. Haujasikia Mungu anainuanga mungine na anashusha mungine? N'as-tu pas encore entendu que Dieu est lève les uns et il rabaisse les autres. Mungu tupatia tu accès. Dieu nous donne juste l'accès. Kiburi ama ogei inatokana na vile tunajisikia. L'orgueil vient de la surestimation de soi. Na ile ndio msingi ya rébellion. Et c'est ça la base de la rébellion. Sababu rébellion ni matendo inayotokana na kiburi. La rébellion ce sont des actes qui proviennent de l'orgueil. Sababu umejisikia ndio unakataa. Parce que tu sens que tu es alors tu refuses. Na watu wetu walikataa sana Mungu. Nombreuses personnes ont refusé Dieu. Alafu wakaenda kwa mambo ya giza. Et ils sont allés dans les choses des ténèbres. Mutu anafikiria Mungu hawezi. Quelqu'un pense que Dieu ne peut pas. Sasa nakataa maneno ya Mungu. Et il refuse la parole de Dieu. Rebellion na kutoamini zinaendanga pamoja. La rébellion et le manque de foi vont de pair. Sababu hatuamini Kristo. Nous ne croyons pas Christ. Hatuamini Mungu anaweza. Nous ne croyons pas que Dieu peut. Kwa hivyo tunaenda kumsaidia. Et nous voulons l'aider. Na ile ni mbegu mbaya. Ça, c'est une mauvaise semence. Hebu ni kuonyeshe kitu. J'aimerais te montrer quelque chose. Abraham. Ni baba wetu ya imani. C'est notre père de la foi. Est-ce qu'alikuwa na rébellion? Avait-il la rébellion en lui? Oui. Oui. Alikuwa nayo. Il en avait. Na sababu ya ile rébellion. Et à cause de cette rébellion. Wa Israeli walikuwa ndani esclavage 400 years. Les Israélites sont allés en esclavage pendant 400. Sababu ukisoma hiyo maandiko. Lorsque tu lis ces écrits. Hiyo Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Leo nataka uisome kimakini. J'aimerais que tu les lis. Usome hiyo verset ya kwanza. Le premier verset Genèse chapitre 12. Uh-huh. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Sasa sijui kama Francis naleta vizuri. Je ne sais pas si le français dit mieux. Sababu yangu inasema hivi. La version anglaise dit, now the Lord had said. Maintenant l'Éternel lui a dit. Ni même chose. Lui a dit. L'Éternel lui a dit. Oh, lui a dit. C'est différent. Hein? C'est différent. Français inaleta maana tofauti. Sababu ya lugha, utafsiri wa lugha. The Lord said to Abraham. Hii ni version gani? Hii ni ingine. Hebu angalia King James Version. Kama uko nayo. Hiyo ndio Fransa. Unaona vile nasema, the Lord had said. L'Éternel lui avait dit. Mungu alikuwa amemwambia. L'Éternel lui avait déjà dit. Si ati Mungu alisema. C'est pas que l'Éternel venait de dire. Alikuwa amemwambia. Il lui avait dit. Na ukitaka kujua alikuwa amemwambia. Et si tu veux savoir ce qu'il lui avait dit. Unasoma Genèse chapitre 11. Nous pouvons voir Genèse chapitre 11. Alafu naanzia verset 27. Le verset 27 est suivant. Hadi 30. 27 jusqu'à 30. On peut lire? Oui. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourit en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes, les noms de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Aran, père de Milca et père de Shiska. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et de Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et y battèrent, y habitèrent. Sasa tunaona hapa maandiko. Nous voyons les écritures. Nani alikuwa baba ya Abraham? Qui était le père d'Abraham? Maandiki nasema Tera. La Bible parle de Tera. Na alikuwa Tera pamoja, alikuwa baba ya Abraham pamoja na Nahor. Il était le père d'Abraham et Nahor. Na pia Haran. Mais aussi Haran. Alafu maandiki nasema. Mais la Bible dit. Haran akakufa. Abraham? No, Haran. Haran est mort. Haran alipokufa. Lorsqu'il est mort. Tera akachukua Abraham. Tera a pris Abraham. Akaondoka na yeye kwenda. Et il est parti avec lui. Akatoka kwa inchi ya Wakaldeo. Il a quitté le pays des Chaldéens. Aende. Pour aller. Aende wapi? Aller où? Aende Canaan. Partir à Canaan. Lakini est-ce qu'il alifika Canaan? Mais est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Hakufika Canaan. Il n'est pas arrivé. Alifika kwa mji inaitwa Haran. Il est arrivé à Haran. Na akabakia pale. Et il est resté là. Sasa hii mwito ilikuwa ya nani? Cet appel appartenait à qui? Hii mwito ilikuwa ya familia. Cet appel était familial. Tera alijaribu kwenda. Tera a essayé d'aller. Kwa ile sauti ya Mungu. En écoutant la voix de Dieu. Hakufika. Il n'est pas arrivé. Wakati amekufa. Lorsqu'il est mort. Ndio Abraham anachukua mke wake. C'est là qu'Abraham a pris sa femme. Wanaondoka wanaenda. Et ils sont partis. Inji yenye waliishi ilikuwa gani? Le pays qu'ils ont habité. Ilikuwa inji ya Wakaldeo. C'était le pays des Chaldéens. Wakaldeo ni watu gani? Les Chaldéens c'est qui? Quel genre de personnes? Wakaldeo ni wachawi. Les Chaldéens ce sont des sorciers. Ni watu wapendi Mungu. C'est des gens qui n'aiment pas Dieu. Ni watu wasikii Mungu. C'est des gens qui n'écoutent pas Dieu. Walienda wakaikala. Ils sont allés habiter là-bas. C'est là qu'ils vivaient. Mungu anasema tokeni muende. Dieu dit quittez, partez. Wanaondoka wanakosa nguvu. Ils ont quitté et sans force. Wakati tunatii Mungu nusu. Lorsque nous obéissons Dieu en partie. Bado ni rebelio. C'est la rébellion. Inafaa tutii yote. Nous devons obéir à tout. Sasa walipokuwa naishi kwa nchi ya Wakaldeo. Lorsqu'il vivait chez les Chaldéens. Tera anakuwa na watoto. Tera avait des enfants. Mungina anakufa. Il y a l'enfant qui est mort. Mungina ako na mke hazai. L'autre avait une femme qui ne mettait pas au monde. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu anaishi nchi ya rebellion. Parce qu'il vivait dans un pays de rébellion. Alafu kisoma maandiko vizuri. Et quand tu lis les écritures. Mungu anamwambia Ibrahim. Dieu dit à Abraham. Ya kuwa nitakupatia hii nchi. Je te donnerai ce pays. Ni ahadi nimekupatia. C'est la promesse que je wewe te fais. Wewe na uzao wako. Toi et ta postérité. Lakini uzao wako. Mais ta postérité. Itakuwa watumwa. Deviendra esclave. Miaka 400. Pendant 400 ans. Na wakati dhambi ya ile nchi itajaa. Ya hapa penye tuko itajaa. Lorsque ce pays sera rempli. Mimi nitawaleta. Je les amènerai. Nitawakomboa. Je les sauverai. Kwa nini Mungu anawatuma esclavage miaka 400? Pourquoi Dieu les envoie dans l'esclavage? Sababu hizo ni generation ine. Parce qu'il y a 4 générations. Mungu lipiza kisasi. Dieu analipiza. Fait payer le prix. Kwa sababu ya dhambi ya baba. À cause du péché du père. Analipiza mara ngapi? Il fait payer combien de fois? Analipiza hadi vizazi tatu ama ine. Jusqu'à la quatrième génération. Sasa nini Mungu alikuwa anafanya? Qu'est-ce que Dieu faisait? Alikuwa analipiza ile dhambi. Dieu faisait payer ses péchés. Dhambi ya uchawi. Le péché de la sorcellerie. Sababu Ibrahim ametoka kwa familia ya uchawi. Parce que Abraham provient d'une famille sorcellerie. Sasa Mungu anataka kubariki uzao wao. Dieu voulait bénir leur génération. Lakini Mungu lazima alipise. Mais il a fallu que Dieu puisse faire payer. Ukisoma maandiko. Lorsque nous lisons la Bible. Kitabu cha Hesabu. Lorsque nous lisons Nombre. Kitabu cha Hesabu 14. Nombre chapitre 14. Na ukisoma ile maandiko. Lorsque nous lisons. Kuna mambo utaona pale. Il y a des choses que tu verras. Yakuwa Moïse ametuma wale espionage waende Canaan. Moïse envoya des espions à Canaan. Wamerudi. Ils sont rentrés. Na wote wameasi. Et tous sont péchés. Isipokuwa Caleb na Joshua. Sauf Caleb et Josué. Alafu wamelia. Ils ont pleuré. Mungu ametaka kuwamaliza. Dieu voulait les exterminer. Moïse ameomba pado. Moïse s'est repenti. Na ukisoma hiyo maandiko. Et lorsque tu lis ces écrits. Ukisoma maandiko Hesabu 14. Nombre 14. Unaweza soma yote kwa wakati wako. Tous les chapitres quand tu auras dit. Lakini nataka usome kidogo tu. Je veux que tu lises un peu. Verset 19. Le verset 19. Alafu na verset 20. Et le verset 20. Mm-hmm. Pardonne l'iniquité de ces peuples selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. Amen. Unaona Moïse anaomba toba. Moïse demande le pardon. Mungu amesikia kweli. Dieu a écouté. Mungu anasikia. Dieu a écouté. Oui. Anasema nimesamehe. Il dit, j'ai pardonné. Waliomba, umeomba niwasamehe, nimekubali. Tu as demandé pardon, oui, je vous pardonne. Nimewasamehe. Je vous pardonne. Lakini Mungu hawachi ile dhambi. Mais Dieu n'a pas oublié ses péchés. Anahakikisha anailipiza. Il s'est rassuré qu'il a puni le péché. Hebu tuendelee chini, bado Hesabu 14. Toujours Nombre 14. Alafu tusome verse 27, 28 na 29. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous dont on a fait les dénombrements en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessous. Et qui avait murmuré contre moi? Amen. Amen. Mungu amesha samehe. Dieu a déjà pardonné. Lakini hapa anasema nini? Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Anasema vile mulisema. Vu que vous avez parlé. Ndio vile nitafanya. Je ferai. Amuta ingia Canaan. Vous n'entrerez pas. Nimewasamehe. Je vous ai pardonné. Nyinyi ni watu wazuri. Vous êtes des bonnes personnes. Mutakuja kwangu. Vous viendrez auprès de moi. Mutaingia mbinguni. Vous entrerez au ciel. Lakini vile mmesema. Mais parce que vous avez parlé. Ndio vile nitafanya. J'agirai ainsi. Mungu amesamehe. Tu as pardonné. Lakini analipisha. Mais il fait payer le prix. Anahakikisha inalipwa. Il s'assure que le prix est payé. Sasa wacha nikupatie bonne nouvelle. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Imelipia ile gharama. A payé le prix. Ancien Testament. L'Ancien Testament. Mungu anasamehe. Là, Dieu pardonne. Lakini lazima ilipwe. Mais il faut faire payer. Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Yesu akisamehe. Quand Jésus pardonne. Damu ya Yesu. Le sang de Jésus. Inachukua ile kilipo yote. Prend le prix à payer. Ile yenye shetani angetuuliza. C'est que le diable. Damu ya Yesu inachukua. C'est que le diable réclame, le sang de Jésus le paye. Sababu mshahara kubwa ya dhambi ni kifo. Le salaire du péché, c'est la mort. Yesu alifanya nini msalabani? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Yesu alikufa msalabani. Jésus est mort à la croix. Alilipia yote. Il a tout payé. Lakini tukikuja kwa msalaba, lorsque nous nous approchons de la lazima croix, tufanye réconciliation. Nous devons nous réconcilier. Tulete hiyo vitu yote. Nous devons amener toutes ces choses. Sababu sahi mwenye anataka alipishe, celui qui veut faire payer, ni shetani. C'est le diable. Shetani atasema mulikuwa na rebellion. Le diable dira vous étiez hamufai dans la rébellion. Kula kitu kizuri. Il n'y a pas de bonnes choses. Hadi tutakapo kuja kwa Bwana, jusqu'à ce que nous venions à Dieu. Tuseme Bwana Yesu, et dire Seigneur Jésus. Mimi nimekuwa muasi. Je suis pécheur. Ninaomba nisamehewe. J'implore la miséricorde. Na damu ya Yesu, que le sang de Jésus. Ichukue ile vitu yote imeletwa na rebellion. Prenne les conséquences de ma rébellion. Initole yote. Ça ôte ces choses. Niweze kuona uzuri wa Mungu afin tena. Afin que je voie la bonté de Dieu. Dani ya msalaba wa Yesu. À la croix de Jésus, nous avons la solution. Lakini lazima tuende. Nous devons aller. Tuende kwa msalaba. Allons à la croix. Tuende kwa damu ya Yesu. Allons, approchons-nous du sang de Jésus. Tumwambie Mungu hiyo maneno yote. Disons à Dieu toutes ces choses. Dio tuondoe droit ya shetani. Pour ôter les droits du diable. Sababu rebelio. Parce que la rébellion. Dio msingi wa dhambi zote. C'est le fondement de tout péché. Ilikuwa rahisi niseme oh ni dhambi ya usherati. C'est facile de dire c'était l'adultère. Oh ni dhambi ya idolatrie. C'était l'idolâtrie. Oh ni dhambi ya uchawi. C'était la sorcellerie. Lakini nataka uelewe. Je veux que tu comprennes. Hatuwezi tukakuwa na uchawi. Nous ne pouvons pas devenir sorciers. Kama hakuna rébellion. S'il n'y a pas la semence de rébellion. Kwa nini watu wanaenda kwa wachawi? Pourquoi les gens approchent les sorciers? Ni kwa sababu wamekataa Mungu. C'est parce qu'ils ont refusé Dieu. Wamekataa neno la Mungu. Ils ont refusé la parole de Dieu. Wanatafuta solution ndani ya uchawi. Ils cherchent la solution dans la sorcellerie. Shetani amewafunika macho. Le diable les a aveuglés. So wakienda ndani ya uchawi. Lorsqu'ils s'approchent de la sorcellerie. Wanapotelea ndani kabisa. Ils se perdent totalement. Hasu kisema tu Bwana nisamehe uchawi. Et si tu dis Seigneur pardonne-moi la sorcellerie. Amesamehe ndio. Oui, il pardonne. Lakini msingi yake ni rebellion. Mais la base c'est la rébellion. Ile kitu ilikusukuma uende kwa uchawi. La chose qui t'a motivé à aller dans la sorcellerie. Si ni ule ule shetani. N'est-ce pas c'est le diable? Hasa inafaa leo tuombe. Aujourd'hui nous allons prier. Tumwambie Mungu mimi. Et dire Seigneur na moi. Na nyumba yetu. Et ma maison. Na damu yetu. Et notre sang. Tulikuwa na rebellion. Nous étions des rebelles. Tumeishi rebellion. Nous avons vécu dans la rébellion. Ndio inanifanya nakuja kanisani. Ça a fait que je vienne à l'église. Na naweka mguu moja ndani. Je mets un pied dedans. Alafu mguu moja nje. Et l'autre pied dehors. Nachungusa kama hivi vitu itanisaidia ama pana. Je vigile si ces choses vont m'aider ou pas. Ninakuwa na kambinu kadogo. J'ai une portion de ciel. Yenye naweza ondoka. Yani qui peut partir? Naweza ondoka ondoka kidogo. Qui peut partir? Ndio unaona watu wengine wanakuja kanisani. Ça fait que beaucoup de gens viennent à l'église. Alafu jioni wanaenda huko kwingine. Mais le soir, ils fréquentent des lieux de ténèbres. Alafu bado huko wanakuja kuimba. Et ils viennent chanter. Tunaimba nao kanisa. Nous chantons avec eux à l'église. Inatuchafua. Ça nous suit. Leo tunasimama kwa damu ya Yesu. Aujourd'hui nous nous tenons sur le sang de Jésus. Na tunapatanisha maisha yetu. Et nous connectons nos vies. Pamoja na Kristo. Avec Christ. Rébellion ndio msingi ya dhambi. La rébellion c'est la base du péché. Tukivunja ile kitu ya rébellion. Lorsque nous brisons la semence de rébellion. Hiyo dhambi nyingine yote utashinda. Les autres péchés tu vas le vaincre. Na mtu mwenye hana rébellion. Une personne qui n'a pas en lui la rébellion, même s'il est éprouvé, n'importe comment, il plaire tout en demeurant près de Dieu. Angalia watoto wadogo. Regarde les petits enfants. Hii watoto wadogo kabisa. Les petits enfants. Miaka tatu, miaka ine. 3 ans, 4 ans. Alafu mama anze kuchapa kiboko. Mama le gifle. Anachapa kiboko. Mama la chicote. Kwa sababu hakana rebellion. Parce que cet enfant n'a pas la semence de rébellion. Atakuwa tu analia na ameshika nguo ya mama. L'enfant va pleurer tout en tenant sa maman. Akimbi. L'enfant ne va pas fuir. Sababu hana rebellion ndani yake. Parce que l'enfant n'a pas la semence de rébellion. Anapenda tu mama na ukweli. Cet enfant aime sa mère. Ata akichapo anakaa tu. Même si on la frappe, l'enfant est là. Lakini ukitaka kujua uko na mbegu ya rebellion. Lorsque tu veux savoir si tu as la semence de rébellion. Ujumbe ikitoke ya kukukemea hapa. Lorsqu'on te réprimande. Dimanche mbili ya kukujikanisa. Tu feras des dimanches à venir à l'église. Nasema si walinikemea. Tu dis n'est-ce pas ils m'ont réprimandé. Yani walinionaje kuniaibisha tu mbele ya watu. Mais comment ils m'ont trouvé? Ils veulent me ridiculiser devant les gens. Kitu inakusaidia useme hiyo tena rebellion. Ce qui t'aide à dire tout cela, c'est la rébellion. Sababu haungekuwa na rebellion. Si tu n'étais pas rebelle, ungekuja hapa mbele. Tu allais venir ici devant. Useme haki nisamehewe tu. Et dire pardonnez-moi. Sikujua. Je ne savais pas. Na inakuwa mzuri. Et c'est bon. Na baada ya kiltu nasalimia watu. Et après kilt, tu salues les gens. Lakini kama unaondoka mbio mbio. Mais lorsque tu quittes vite vite. Sababu umekemewa. Parce qu'on t'a réprimandé. Umesimama kwa msingi ya rebellion. Tu as des bases de rébellion. Haujasimama kwa damu ya Yesu. Tu n'es pas fondé sur le sang de Jésus. Leo inafaa tusimame kwa damu ya Yesu. Devons nous tenir sur le sang de Jésus. Rebellion ufanya watu wanajiona kuwa wazuri kuliko wengine. La rébellion amène à se voir mieux, meilleur que les autres. Rebellion inafanya watu wakue na compétition katikati yao. La rébellion nous amène à des compétitions. Rébellion inafanya inamotive watu wafanye vitu zingine. La rébellion motive aux gens de faire des choses bizarre. Kuna watu wanaweza omba siku mingi na kufunga. Il y a des gens qui peuvent, des personnes qui peuvent prier longtemps. Kumbe wako ndani ya rebellion na hiyo maombi. Alors qu'ils sont dans la rébellion. Ukiétudie nyoka. Lorsque tu étudies le serpent. Nyoka inaweza kaa siku mingi pasipokuwa na chakula. Le serpent peut faire beaucoup de jours sans manger. Sasa mtu anaweza kuwa na roho ya nyoka. Quelqu'un peut avoir un esprit de serpent. Na ajinyime kula chakula siku mingi. Il jeûne, il prie pendant longtemps. Tufikirie ako kiroho sana. Et là nous pensons qu'il est spirituel. Kumbe ni nyoka iko ndani yake na msaidia ile mambo yote. Alors que c'est un serpent qui est en lui qui l'aide à faire tous ses sacrifices. Rébellion. Ça c'est la rébellion. Lazima tuachane na rébellion. Nous devons abandonner la rébellion. Sababu hiyo ndiyo inatumaliza. Parce que ça nous détruit. Na leo tukitubu rébellion. Si nous nous repentons de cette semence de rébellion. Utaona vile Mungu atashuka juu yetu. Nous verrons comment Dieu va descendre sur nous. Watu walikuja wagonjwa. Les gens étaient venus malades. Na utatoka tu kwa mlango umepona. Tu vas quitter ici étant guéri. Na hata sitaita ati nani mgonjwa tumuombe hapana. Même si je ne fais pas l'appel qui sont malades, non. Utapona tu. Tu seras guéri. Sababu ni mukate ya watoto. Parce que la guérison c'est un pain pour les enfants. Rébellion. La rébellion. Inafaa tuachane na rébellion. Nous devons abandonner la rébellion. Na rébellion ingine tuko nayo. D'autres rébellions que nous avons. Tumeiridhi. Nous les avons héritées. Tumeiridhi kwa wazazi wetu. Nous les avons hérités de nos parents. Tumeiridhi kwa familia yetu. Nous les avons hérités de nos familles. Tumeiridhi sababu penye tunakaa. Nous l'avions hérité de notre dans notre environnement. Angalia fasi yenye watu wa rebellion wanaikala hata hapa Goma. Regarde là où les rebelles se mettent, même ici à Goma. Utagundua hata hakuna mai. Tu trouveras que là, il y a même pas de l'eau. Hakuna stima, hakuna électricité. Il y a pas de l'électricité. Barabara za huko zimekataa. Il y a pas de route asphaltée là-bas. Mtu akijaribu kwenda huko wanapiga. Quand tu essaies de fréquenter ces lieux, on te chicote. Police hawaendangi huko. Même la police a peur de fréquenter ces milliers. Sasa ukiishi huko. Quand tu vis dans des milliers pareils. Wewe si mbaya. Tu n'es pas mauvais. Lakini unaishi mahali pabaya. Mais tu vis dans un mauvais endroit. Utakula viti ya huko. Tu vas manger les choses de ces coins. Na viti ya huko ni mbaya. Les choses de ces coins sont mauvaises. Wengine ni connection tuko nayo na watu ya rebellion. D'autres personnes, c'est la connexion que nous avons avec des personnes rebelles. Wacha nikuulize msichana. Je vais te demander, jeune fille. Tu es à l'église? Siku mingi. Longtemps. Na unataka kuolewa. Et tu veux te marier. Alafu unafanya rebellion. Mais tu fais la rébellion. Unaenda unachukua mwanaume huko. Tu pars prendre un homme. Mwenye anaendanga huko kwingine. Un homme qui fréquente ces milliers. Mwenye baba yetu si bwana wetu Yesu Kristo. Un homme qui ne connaît pas Jésus. Sababu kama mtu baba yake si Yesu Kristo. Lorsque pour quelqu'un son père n'est pas Jésus. Katika Yohana. Dans Jean. Yesu anasema baba yenu ni shetani. Jésus dit votre père c'est le diable. Na shetani ni muongo. Et le diable c'est un menteur. Na muko kama baba yenu. Et Dieu comme père. Kama mtu hayuko ndani ya Yesu. Lorsque vous n'êtes pas en Jésus. Ni kusema basi baba yako ni yule mwingine. Cela veut dire que ton père c'est l'autre voilà. Sasa wewe msichana. Maintenant toi jeune fille. Unaenda kuolewa na mtu baba yake ni yule mwingine. Tu te maries à un païen. Na mimi najua bel bo père uleta cadeau. Le bon père apporte toujours les cadeaux. Sasa bo père atakuwa analeta cadeau. Lorsque le bon père t'apporte les cadeaux. Na akileta cadeau kunyumba. Quand il vient avec son cadeau. Wewe unakimbia tukuombe. Toi tu viens fuir pour que nous prions pour toi. Sababu bo père yako shetani uleta. Parce que ton bon père le diable t'a apporté un cadeau. Nini atakuwa analeta? Qu'est-ce qu'il va t'amener? Jioni moja ni makofi. Quelquefois ce sont des gifles. Jioni ingine wamekuletea msichana mwingine. L'autre soir, d'autres filles qu'on courtise. Ne cadeau. Ce sont des cadeaux. Pokea cadeau. Reçois les cadeaux. Wacha kuja tukuombe unatusumbua. Cesse de venir pour que nous prions pour toi, tu nous déranges. Ndiposa fadhali ukae tu ndani ya Yesu. Réjouis-toi de rester en Christ. Usifanye rébellion. Ne fais pas la rébellion. Kuna watu wamefanya rebelio. Il y a des gens qui se sont rebellés. Na leo hii ni magoti mfulilizo. Et aujourd'hui, ils prient quotidiennement. Ndoa zao ni maombi tu. Leur mariage nécessite de l'intercession quotidienne. Labda uwe beau-père yako. Peut-être que tu arrives d'abord à tuer les beaux-pères. Ndio cadeaux ziache kukuja. Les diables pour que les cadeaux cessent de venir. Sababu zitakuja tu. Parce que les cadeaux vont continuer toujours à venir. Ama huyu ndugu abadilishe baba yake. Soit que ce monsieur change de père. Ni kazi uko nayo. Tu as du travail. Sasa wewe kula cadeaux zako peke yako usitulete kanisani. Toi consomme tes cadeaux seul, ne nous les apporte pas. Si wewe mwenyewe ulienda huko. C'est toi-même qui es parti là. Wewe umekaa kanisani miaka mingi. Toi tu es à l'église longtemps. Umejua Yesu vizuri. Tu connais Jésus. Alafu unaenda unachukua beau père huko. Et tu vas choisir le beau père Satan. Ah, ni yako ndugu, kuwa naye huko pole pole. Reste avec lui là. Hata ukikuja ni kuombe. Même quand tu viens que je prie. Ukiniambia mashida unapitia. Quand tu me parles des problèmes que tu traverses. Mimi usema Mungu bariki mtoto. Je veux dire, Seigneur, bénis ton enfant. Na umukumbuke. Et souviens-toi de lui. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si kuombei sana. Je ne prie pas beaucoup. Sababu nasumbua Mungu bure. Parce que je dérange Dieu pour rien. Ne cadeau. C'est un cadeau. Wadada. Mes soeurs. Muko. Vous êtes là? Musiende huko. N'allez pas dans ces camps. Sababu hizo cadeau ni mingi. Parce que là, il y a beaucoup de cadeaux de ce genre. Zitakumaliza uzito. Ces cadeaux vont t'alourdir. Rebellion. La rébellion. Rebellion ni mbaya. La rébellion, elle est mauvaise. Na inajitokeza kwa mambo tofauti. Et elle se produit dans beaucoup de domaines. Rebellion. La rébellion. Nataka tusimame niwaongoze kwa maombi. J'aimerais que vous soyez debout pour que je vous conduise dans la prière. Na nimesema tu rébellion. J'ai juste parlé de la rébellion. Ni msingi wa dhambi zingine zote. La rébellion, c'est la base de tous les autres péchés. Tukiweza kuvunja rébellion leo. Lorsque nous commençons à briser la rébellion. Hiyo mambo ingine yote ni facile kuvunja. Les autres choses deviendront légères à briser. Na wengine tumebeba rébellion ya famille. D'autres ont la rébellion familiale. Sasa tunaona matunda ya madhambi zingine. Et nous voyons le fruit d'autres péchés. Tunaona matunda ya dhambi ya Yakobo. Nous voyons le fruit de la convoitise. Non, Yakobo usharati. L'impudicité. Oh, nimechanganya lingala. Oh, sorry. Alafu tunaona matunda ingine ya dhambi ya ina tofauti tofauti. Nous voyons divers péchés. Dhambi za hasira. La colère. Kumbe yote ni matunda ya rebellion. Tout cela, c'est le fruit de la rébellion. Mutu alikataa Yesu, ndio ile kitu ikamuingia. Quelqu'un a refusé Jésus et s'est entré en lui. Mimi nataka tujiombe. Je veux que nous prions pour nataka urudie hii maombi nyuma yangu. Répète cette prière. Urudie na moyo wako wote. Répète avec tout ton cœur. Na Mungu atakujibu. Et Dieu va t'exaucer. Alafu nitakuruhusu uombe. Je vais te permettre de prier. Na hiyo kitu itavunjika leo. Et cette chose-là sera détruite. Na utatoka hapa mwenyewe ukisentir huko mwepesi kidogo. Tu quitteras ici en te sentant léger. Utaanza kuuliza nini imefanyika. Tu commenceras à te demander qu'est-ce qui vient de se passer. Ni wale wazee wa rebellion wameenda. Ce sont ces vieillards de rébellion qui seraient partis. Sasa nataka kurudia nyuma yangu. Répète cette prière. Na moyo wako wote. De tout ton cœur. Na uamini kabisa ndani ya moyo. Et crois au fond de ton cœur. Na Mungu atakufanyia. Et Dieu agira. Sijui ni nini ulikuja ukitarajia kutoka kwa Mungu. Je ne sais pas ce que tu désires de la part de Dieu. Lakini wakati unavunja hii. Mais lorsque tu brises. Saint-Esprit atashuka juu yako. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Leo Saint-Esprit atashuka juu yako. Aujourd'hui le Saint-Esprit descendra sur toi. Arudia nyuma yangu. Répète cette prière. Sema Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Bwana Yesu, Seigneur Jésus, nakuja kwako. Je viens à toi. Nasimama, je me tiens kwa damu ya Yesu. Par le sang de Jésus. Damu ya Yesu, sang de Jésus, imemwagika qui a été coulé msalabani à la croix kwa sababu yangu. À cause de moi. Leo, aujourd'hui, ninasimama je me tiens debout kwa damu ya Yesu. Sur le sang de Jésus. Na ninakuja et je viens mbele yako devant toi. Nifanye fais de moi mapatanisho faire l'alliance pamoja na wewe avec toi kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Bwana Yesu, Seigneur Jésus, mimi moi na damu yetu et mon mimi sang, moi na nyumba yetu et ma maison tumeishi nous avons vécu ndani ya kiburi l'orgueil ndani ya uasi la leo aujourd'hui, ninatubu je me repens dambi yote tout péché ya uasi na kiburi et orgueil ndani yangu en moi. Hii dambi ces péchés imenitawala m'a dominé mimi moi, na damu yetu et mon sang. Leo Bwana Yesu aujourd'hui je ninatubu je me repens ninakuomba je te prie unisamehe pardonne-moi damu ya Yesu le sang de Jésus inisafishe qu'il me pardonne Bwana Yesu Seigneur ninakataa je refuse kuwa muasi d'être péché ninakataa je refuse kuwa muasi d'être péché Bwana Yesu Seigneur Jésus nitakutii je vais t'obéir nitakusikia je vais t'écouter nitatembea je vais marcher pamoja na wewe avec toi kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Ninatubu. Je me repens. Hii dambi. Ces péchés. Ya rebelio. De rebelio. Ambayo ilifanya. Ya feke. Mimi. Moi. Na nyumba yetu. Et ma maison. Tuka kukataa. Nute. Hii dambi. Ces péchés. Ya rebelio. De rebelio. Ikafanya. A fait. Mimi. Que moi. Na nyumba yetu. Et ma maison. Tukaishi. Nous ndani. Ya usherati. L'impudicité. Tukaishi. Ndani ya uchawi tukaishi ndani ya idolatri tukaishi ndani ya dini leo ninatubu hii dhambi ya rebelio na dhambi zake zote hizi dhambi za idolatri usherati hii dambi ya uchawi leo Bwana Yesu ninatubu hii dambi ambayo mimi na nyumba yetu tulifanya Bwana Yesu leo ni, kwa damu ya Yesu ninavunja hii madhabahu yenye tulijenga ya rebelio ndani yangu ndani mwetu hii madhabahu ya rebelio na madhabahu ingine yote na madhabahu ya usherati na madhabahu ya uchawi na madhabahu ya idolatri leo ninazivunja kwa damu ya Yesu ninavunja hii madhabahu ya rebelio pamoja na agano zake pamoja na mapepo yake pamoja na sadaka zake ninaivunja na madhabahu yote ya idolatri kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu omba omba omba commence à prier omba prie le Seigneur tata batoto botete ribatete beza sita matete bezinda batoto